frappés en amour. Au fait, je ne crois plus en amour. Non, je ne crois plus en amour. Non, je ne crois plus en amour. Il y aura un premier rendez-vous, un coup de feu qui nous laissera sans voix. Attisé par un désir fou, l'histoire me montre face chez moi. Un peu imprégnera l'amour qui laissera place à la tristesse. Un jour c'est je t'aime pour toujours, et le suivant c'est je te déteste. Ensuite on t'enverra à la gueule des insultes qu'on ne pensera même pas. Moi et mon chagrin dans l'alcool, et toi les glaces au chocolat. Enfin tu regarderas Bridget Jones afin de pouvoir te consoler. Tu diras que ce n'était pas grand chose, un de perdu, des heures trouvées. C'est pour ça que je ne crois plus en l'amour. Je ne crois plus en l'amour. Bébé, je ne crois plus en l'amour. Non, je ne crois plus en l'amour. Ou à la deuxième cas de figure, disons que l'on tombe amoureux. Tu me diras que dans le futur, tu aimerais avoir des membres. Que notre fils s'appellera Arthur et que tu trouves ça merveilleux. Mais moi, je ne rêve que de belles voitures et toi, tu trouves ça facétieux. Alors j'oublierai mes envies perso et ensemble, on se mariera. Ensuite, l'achat d'un beau berceau pour Arthur qui bientôt naîtra. Enfin, notre amour prendra l'eau, alors le divorce se fera. Tu garderas la maison près de l'eau et l'enfant sera sans papa. C'est pour ça que je ne crois plus en l'amour. Non, je ne crois plus en l'amour.